qui se passe quand on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le choix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir du noir? Croire en soi ou se tourner vers quelqu'un? Avoir foi en un meilleur lendemain? À tout problème, y'a bien une solution. Dans ces cas-là, on se pose beaucoup de questions. Toujours pousser même quand y'a plus d'envie. Aller de l'avant, c'est possible. Lève ton bras, moi je te dis que c'est d'aide. Je refuse de vivre dans ce ghetto. Pourquoi tu prends tes têtes, dire c'est l'aide? Dans ta bouche, ça sonne faux. Un jour je partirai de mon nid que j'aime pour voir si ce monde est beau. Et j'irai au-delà des frontières ressentir cet écho. Toucher le fond, je connais personne qui aime ça. Faut se relever, ne pas rester en bas. Trouver la force de dire non quand il faut. Ce message on le sait tous mais c'est trop. Dur de voir la réalité en face. Prends tes marques, briser enfin la glace. Coûte que coûte, ne jamais rien lâcher. Aller de l'avant, c'est possible.